Canu Info du vendredi 17 avril à retrouver sur blogs.radiocanu.org. Je demande à ceux qui n'ont pas de travail, qui ne sont même pas au chômage partiel, ceux qui n'ont plus du tout d'activité, ou ceux qui peuvent être au chômage partiel, de dire, si vous voulez faire un acte de solidarité, allons dans les champs, ils seront salariés par les agriculteurs, ceux qui n'ont plein d'emploi. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, 24 mars. Aujourd'hui, les agriculteurs, ce n'est pas le problème de payer la main-d'œuvre, c'est qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Et ces agriculteurs-là, qui vont produire la nourriture équilibrée de demain, il faut que les travaux des champs se fassent aujourd'hui. Il faut que l'armée de l'ombre des Françaises et des Français, qui sont prêts à faire de la solidarité, qui sont prêts à avancer, il faut que ces gens-là aillent aider. Les agriculteurs les accueilleront très très bien, à condition tout simplement d'avoir envie de bosser, d'avoir envie de travailler, de se dire ce que je fais là, je le fais pas pour moi, je le fais pour mes enfants, je le fais pour ma mère, je le fais pour telle ou telle personne, parce qu'elle pourra avoir des salades, des poireaux, des radis, et puis il y a des aménagements pour faire en sorte qu'on puisse travailler un peu plus la nuit, peut-être le dimanche dans certaines entreprises, que les camions puissent rouler, que le chauffeur puisse amener la nourriture, puisse amener les palettes pour les livrer dans les grandes surfaces. C'est la chaîne alimentaire dans son ensemble qui doit fonctionner. Bien là. Ouais, avance un peu encore. En même temps, on a de la place quand même. Le sujet qu'on va parler, c'est comment ça se passe dans le monde agricole, en dehors de ce qu'on appelle du coup la paysannerie, et comment ça se fait en fait qu'il y a des gens qui sont dans les champs, de tout un tas de nationalités différentes, comment ils sont arrivés ici, et puis comment ça se fait que la semaine dernière, du coup, avec cette histoire du coronavirus, tout d'un coup, il y a eu un grand appel national à venir aider du coup les agriculteurs et agricultrices aux besoins en gros de main-d'œuvre qu'il y aurait pour pouvoir remplacer ces personnes qui... frontières bloquées, en fait, ne pourraient pas venir. Ça pose plein de questions de qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui viennent de l'étranger, comment ils sont pris en compte habituellement, est-ce qu'ils sont toujours là encore à l'heure actuelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faut que je te dise en fait pourquoi du coup aussi, parce que je me sens concerné, ou alors pourquoi du coup je parle de tout ça, et ça va te donner un petit peu une petite idée à ta question. Mayday, rencontre. Alors moi c'est Clément, en fait je bosse dans le monde agricole depuis quelques années, en tant qu'ouvrier agricole, et puis un peu à l'heure actuelle avec un collectif du coup agricole. Nous ici là on est dans la région PACA, tout le Val de Durance, qui va après dans la plaine de la Croix vers Arles, et ainsi de suite, donc on est à cheval entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Le système agro-industriel, pour qu'il puisse marcher, c'est une main-d'œuvre à bas coût, une technicité du coup au niveau de comment on produit des légumes ou n'importe quelle denrée alimentaire qui est très proche du système industriel. Par exemple, pour la récolte des fraises dont le gouvernement parlait il y a 2 semaines, elle est cultivée du coup en hors-sol, sur des tapis, sur différents systèmes en fait qui font qu'il n'y a plus vraiment de lien avec la terre. Hein. On recrée en fait tout un système autour qui permet d'avoir quelque chose toute l'année. Ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, c'est le système agro-industriel en fait. L'ensemble du système agro-industriel, il ne concerne pas que ceux qui bossent dans la terre. C'est aussi tous ceux du coup qui viennent conditionner, qui viennent faire la logistique. Ces agriculteurs qui travaillent avec cette main-d'œuvre-là, principalement, elles fournissent les grandes enseignes du coup de supermarché. C'est quand même par là que ça passe. Après, il y a les marchés d'intérêt national qui font aussi le lien. Donc, le lien entre ces travailleurs-là et ce qui est demandé, c'est juste de pouvoir un peu sauver le système agro-industriel qui est à flux tendu. Mais juste, en fait, il faut continuer à faire tourner la machine. C'est aussi ça, c'est un truc économique, hein. C'est vraiment du pognon. C'est quoi le profil de l'exploitant agro-industriel, s'il en existe un ? Les profils sont très différents. T'en as qui font du bio, t'en as qui font pas de bio. T'en as du coup que c'est des... Bon, c'est vraiment des gros salauds de base, hein. Suite à la guerre d'Algérie, tous les colons qui étaient là-bas sont revenus en France. Une bonne partie d'entre eux qui y bossaient dans l'agricole ont continué à bosser dans l'agricole. Une minorité d'eux se sont retrouvés dans la Drôme à faire de l'arboriculture. Et ces gens-là ont redescendu en fait tout le Rhône pour se stabiliser dans la plaine de la Croix. En gros, voilà, ceux qu'on appelle les dromois dans la plaine de la Croix, c'est eux qui ont les énormes exploitations de pêche, abricots, toutes ces cultures-là. Si tu prends l'autoroute entre Arles et Marseille, là, à cette période-là, en plus, elles sont en floraison de ouf, là, les pêchers, c'est gigantesque, c'est des couleurs magnifiques. Et derrière les couleurs, c'est souvent vraiment très, très sale, quoi. Je peux pas me dire qu'il n'y a pas une continuité, en fait, postcoloniale sur comment ces gens-là, ils agissent à l'heure actuelle. Les mots, l'appropriation du corps par les agriculteurs, plus tous ces mécanismes-là qui ont vraiment du coup créé de la servitude, t'as l'impression des fois dans un tas de témoignages qu'il y a juste une continuité horrible de tous ces schémas-là et qui font que t'as envie de mettre un gros coup de pied dedans, quoi. Enfin, c'est pas possible en fait, tu vois. Et en même temps, t'as une autre personne à côté, c'est un peu. Ouais, c'est un peu l'agriculteur ou l'agricultrice, pas lambda, mais qui se retrouve à un moment donné à avoir un pic de production, à embaucher des salariés détachés comme ça, et puis qui fait de la merde, parce qu'en fait, il est en situation de pouvoir, ou alors il n'a pas eu toutes les infos qu'il fallait, et ainsi de suite. Concernant les travailleurs détachés, globalement aujourd'hui en France, ceux qui sont employés ces dernières années, ils viennent d'où? Et quand ils sont en France, ils vivent dans quelles conditions? Ils vivent où? Pour combien de temps? Alors, ils viennent d'où? Au niveau de l'élevage, on retrouve pas mal de gens qui viennent d'Europe centrale de l'Est, Roumanie, Bulgarie, qui bossent dans les abattoirs, sur la région Bretagne par exemple. On sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont de ces communautés-là là-bas. Beaucoup de gens qui viennent de Pologne aussi. Et les travailleurs détachés qui bossent dans les champs en France sont recrutés par des boîtes d'intérim espagnoles. C'est le cas des travailleurs sud-américains ou marocains, car l'Espagne a des accords bilatéraux avec le Maroc. Pourquoi ce nouveau système qui permet d'aller chercher des travailleurs détachés à l'étranger, il se base sur des agences d'intérim espagnoles et pourquoi pas des agences d'intérim françaises? C'est quoi l'intérêt? La souplesse du droit social espagnol. Les cotisations sociales ne sont pas les mêmes. En fait, l'Espagne, depuis la chute de Franco, fait partie des pays, enfin c'est même le pays du coup en Europe qui a basé son développement économique sur l'agriculture et le tourisme. C'est un pays qui se retrouve en très bonne place pour pouvoir mettre à disposition des travailleurs pour d'autres pays, quoi. Tu sais, moi je sais pas si t'as entendu ça, mais c'est quand même toujours l'argument de l'agriculteur un peu de base qui va te dire, de toute façon, en fait, voilà, moi je suis obligé d'embaucher par les ETT, là, les entreprises de travail détachées, parce que je trouve personne. Pôle emploi, du coup, il me ramène personne. Et puis en vrai, bon, faut quand même bien le dire que c'est tous des feignants, tu vois. Enfin, on va pas embaucher des gens qui veulent pas faire ce taf-là. Du coup, on va aller embaucher en fait des personnes qui, eux, savent vraiment faire le boulot, quoi. Tu vois, c'est une connerie en fait tout ça. C'est vraiment maquiller la réalité économique, la réalité sociale, voire la réalité politique. C'est profondément raciste aussi des fois, tu vois. C'est juste d'être en capacité de pouvoir avoir un pouvoir sur des personnes en fait qui vont fermer leur gueule quand tu vas leur faire faire des tâches de merde pendant toute une journée. Le cas le plus typique d'irrégularité par rapport au travail détaché, c'est les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont pas comptées comme heures supplémentaires. Une personne qui va bosser 3 heures ou 4 heures de plus dans sa journée, il ouvre sa gueule, en fait, il va ailleurs, il se casse, tu vois. Mais en gros, ça va jusqu'à l'exploitation, à la servitude et toutes les dérives les plus dégueulasses qu'on peut avoir de la part de patrons sur des salariés, quoi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, ce que je te dis par rapport au déplacement, c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans. Mais ce qu'on remarque depuis pas mal d'années, il y a beaucoup de gens qui reprennent des boulots en France par le biais de boîtes d'intérim alors qu'ils habitent en France. Ils restent en France, ils habitent là pendant l'hiver et recontinuent du coup à signer leur contrat. Et eux, leur contrat, il est bien sûr avec un lieu et une date de signature qui est en Espagne, mais il continue à travailler en France. Du coup, quand le gouvernement parle d'un tas de travailleurs détachés qui ne viendraient pas en France, c'est faux, puisqu'il y en a tout un tas qui sont encore ici. Toutes les nouvelles que j'ai eues de la semaine dernière, des copains qui bossent dans les champs en tant que travailleurs détachés, ils disent « bon, il n'y a rien qu'à changer, hein. Nous on est là, la saison elle a commencé, il faut bosser. » Et en plus, sur tout ce qui est prévention sanitaire, pénibilité, je peux te dire que c'est comme les heures supplémentaires, hein. « fin des années 90-2000, s'était créé dans la région des Bouches-du-Rhône le Code des Traces, qui était un collectif de défense en fait des travailleurs saisonniers agricoles étrangers. Ce collectif-là, il rassemblait et rassemble toujours des chercheurs, des agriculteurs, des syndicalistes, des personnes d'associations liées aux droits de l'homme, aux droits des étrangers, tout ce qui est droit administratif aussi, sur tout un tas de questions liées à la santé, liées au logement, et ainsi de suite. Et il y a eu quelques grosses batailles qui ont fait que c'est devenu quelque chose d'assez costaud, quoi. Un peu en France, le gros collectif qui a permis d'aider tous les travailleurs qui étaient vraiment laissés pour compte. Dans les années 2000, ce qui a soulevé le plus de, on va dire, de mobilisation, et puis aussi du coup d'arriver à faire des quelque chose, c'est parce que du côté de l'étang de Berre, là, donc juste derrière Marseille, entre derrière la zone du coup pétrolifère là, de Fos et tout ça, là, il y a un gros étang avec beaucoup de zones agricoles sous serre. Et dans les années 90, il y avait un énorme ghetto, en gros, quoi. Un de ces endroits-là s'appelait le Gourbi, et c'était des baraquements, quoi, faits de briques et de broc, de bâches et tout ça, quoi. Les gens y vivaient comme ils pouvaient, dans des conditions de merde, avec des conditions sanitaires et d'hygiène pourries, et ainsi de suite. Ça a vachement évolué parce que ça a quand même fait du bruit et qu'on a quand même un peu considéré qu'il fallait faire mieux. Mais c'est soit tu te démerdes et du coup tu bosses plus et tu sors de ce truc-là, soit tu te retrouves vraiment dans des apparts où de plus en plus de campings qui sont loués et c'est un peu des taudis, quoi. Ils sont très invisibilisés, en fait, tous ces travailleurs et toutes ces travailleuses-là, quoi. C'est assez difficile de faire des contrôles pour l'inspection du travail, de pouvoir vraiment mettre en lumière ça. Pour nous, on va dire, les personnes qui essayons de se mobiliser, c'est difficile parce que d'afficher trop de contacts, donc d'aller chez les personnes, ça les met aussi en fait en danger, quoi. Cette agriculture, elle se nourrit de la flexibilité. Donc nous, notre petit grain de sel du coup qu'on va mettre dedans, l'agriculteur, il va y répondre avec une flexibilité où il va virer les gens, il va rappeler de la boîte d'intérim, et puis il va y avoir des gens qui vont venir les remplacer assez rapidement, tu vois. Qu'est-ce qu'on aura fait avec notre petit grain de sable ou du coup notre coup de pioche dans le mur de ce gars-là, quoi. Qu'on aide ces personnes-là à pouvoir s'auto-organiser suffisamment, mais tant qu'il n'y aura pas la possibilité pour eux de se sortir de cette condition-là, de combattre par eux-mêmes, ça va être difficile, quoi. Moi, je me suis impliqué personnellement sur ce côté-là parce que me limiter du coup à un discours sur la petite paysannerie qui ferait que du bio, qui favoriserait l'autonomie, en mettant de côté tout ce paysage-là agricole qui est complètement sombre et qui est vraiment invisibilisé, voilà, c'est pas possible, en fait. À partir du moment où le libéralisme il est capable de faire accepter aux pauvres et vraiment aux gens les plus précaires, les plus démunis, des produits de première nécessité qui te nourrissent, qui sont issus de la même exploitation, des gens qui seraient dans les mêmes conditions en fait que toi, je me dis merde, là ça craint. Tu vois, là c'est vraiment dégueulasse en fait. Au niveau de l'agriculture, ça pue, quoi. Tu vois, c'est pas très glorieux, hein, ce que je te dis, mais il faut, moi je trouve qu'il faut en avoir conscience, quoi. C'est pas que les petits marchés de produits locaux et tout ça qui sont très bien en soi, hein, je le dénigre pas, hein, c'est pas, j'oppose pas du coup les deux. Je dis juste que il faut qu'on arrive à trouver au niveau du combat politique en agriculture quelque chose qui se rassemble, quoi. Je suis pas le premier à le dire, hein. C'est minoritaire, mais il y en a quand même qui essaient de faire ces liens là, quoi. Mayday, tous les mercredis à 18h avec les intérimaires, les chevalangrois et Maria Violenza.